Module 9, étude 2. L'importance, l'efficacité et l'action de la prière. L'esprit manode, dans un message existant dans l'évangile selon le spiritisme, affirme le premier devoir de toute créature humaine, le premier acte qui doit signaler pour elle le retour à la vie active de chaque jour, c'est la prière. Vous priez presque tous. Mais combien savent peu prier ? Qu'importe au Seigneur les phrases que vous reliez les unes aux autres machinalement, parce que vous en avez l'habitude, que c'est un devoir que vous remplissez, et que, comme tout devoir, il vous pèse. La prière du chrétien, du spirite, de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit se lever au pied de la majesté divine avec humilité, avec profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour, pour la nuit écoulée et pendant laquelle il vous a été permis, quoique à votre insu, de retourner près de vos amis, de vos guides, pour puiser dans leur contact plus de force et de persévérance. Elle doit s'élever humble au pied du Seigneur, pour lui recommander votre faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle doit être profonde, car c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur, qui doit se transfigurer comme Jésus au Tabor, et parvenir blanche et rayonnante d'espoir et d'amour. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui. C'est se rapprocher de lui. C'est se mettre en communication avec lui. Par la prière, on peut se proposer trois choses. Louer, demander et remercier. C'est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou pour les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées au bon esprit sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur, car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. L'esprit de Manode nous conseille aussi. Vous devez prier sans cesse, sans pour cela vous retirer dans votre oratoire ou vous jeter à genoux dans les places publiques. La prière de la journée, c'est l'accomplissement de vos devoirs sans exception, de quelque nature qu'ils soient. N'est-ce pas un acte d'amour envers le Seigneur que d'assister vos frères dans un besoin quelconque, moral ou physique ? N'est-ce pas faire un acte de reconnaissance que d'élever votre pensée vers lui quand un bonheur vous arrive, qu'un accident est évité, qu'une contrariété même vous effleure seulement, si vous dites par la pensée « Soyez béni, mon Père », n'est-ce pas un acte de contribution que de vous humilier devant le juge suprême quand vous sentez que vous avez failli, ne fût-ce que par une pensée fugitive, et de lui dire « Pardonnez-moi, mon Dieu, car j'ai péché, par orgueil, par égoïste, ou par manque de charité. Donnez-moi la force de ne plus faillir et le courage de réparer. » Ceci est indépendant des prières régulières du matin et du soir, et des jours consacrés. Mais, comme vous le voyez, la prière peut être, de tous les instants, sans apporter aucune interruption à vos travaux. Léon Denis affirme que la prière doit être un épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, une méditation toujours utile, souvent féconde. C'est le refuge par excellence des affligés, des cœurs meurtris. Aux heures d'accablement, de déchirement intérieur et de désespoir qui n'a trouvé dans la prière le calme et le réconfort, ou tout au moins un adoucissement à ces mots, un dialogue mystérieux s'établit entre l'âme souffrante et la puissance évoquée. L'âme expose ses angoisses, ses défaillances, elle implore secours, appui, indulgence. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond, la voix de celui d'où proviennent toute force pour les luttes de ce monde, tout baume pour nos blessures, toute lumière pour nos incertitudes. Et cette voix console, relève, persuade, elle fait descendre en nous le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes, moins accablés, un rayon de soleil divin surgit en notre âme et y fait éclore l'espérance. Soulignons que la prière Notre Père, ce qui est une prière enseignée par Jésus selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 13, contient les trois points qui font l'objet de la prière, louer, demander, remercier. Le Notre Père représente le plus parfait modèle de concision véritable chef-d'œuvre de sublimité dans sa simplicité. En effet, sous la forme la plus restreinte, elle résume tous les devoirs de l'homme envers Dieu, envers lui-même et envers son prochain. Elle renferme une profession de foi, un acte d'adoration et de soumission, la demande des choses nécessaires à la vie et le principe de la charité. La dire à l'intention de quelqu'un, c'est demander pour lui ce qu'on demanderait pour soi. Cependant, en raison même de sa brièveté, le sens profond renfermé dans les quelques mots dont elle se compose échappe à la plupart. C'est pourquoi on la dit généralement sans diriger sa pensée sur les applications de chacune de ses parties. Les esprits supérieurs nous expliquent comment agir correctement dans les demandes que nous adressons dans nos prières. Votre prière doit renfermer la demande des grâces dont vous avez besoin, mais un besoin réel. Inutile donc de demander au Seigneur d'abréger vos épreuves, de vous donner les joies et la richesse. Demandez-lui de vous accorder les biens plus précieux de la patience, de la résignation et de la foi. Ne dites point, comme cela arrive à beaucoup d'entre vous, « Ce n'est pas la peine de prier puisque Dieu ne m'exauce pas. » Que demandons-nous à Dieu la plupart du temps? Avez-vous souvent pensé à lui demander votre amélioration morale? Oh non, très peu. Mais vous songez plutôt à lui demander la réussite dans vos entreprises terrestres et vous vous êtes écrié « Dieu ne s'occupe pas de nous. S'il s'en était occupé, il n'y aurait pas tant d'injustice. » Insensé, ingrat, si vous descendiez dans le fond de votre conscience, vous trouveriez presque toujours en vous-même le point de départ des mots dont vous vous plaignez. Demandez donc avant toute chose votre amélioration et vous verrez quel torrent de grâce et de consolation se répandra sur vous. Maintenant, voyons l'importance de la prière. La prière est d'une importance capitale dans toute situation. Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre la difficulté et rentrer dans le droit chemin s'il en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les maux qui s'attireraient par sa propre faute. Un homme, par exemple, voit sa santé ruinée par les excès qu'il a commis et traîne jusqu'à la fin de ses jours une vie de souffrance. A-t-il droit de se plaindre s'il n'obtient pas sa guérison? Non, car il aurait pu trouver dans la prière la force de résister aux tentations. Admettons toutefois que l'homme ne puisse rien faire pour éviter l'occurrence de certains maux de la vie, maux qui ne sont pas liés à l'imprévoyance ou aux excès humains. Dans cette situation particulière, l'action de la prière se conçoit aisément, parce qu'elle a pour effet d'appeler l'inspiration salutaire des bons esprits, de leur demander la force de résister aux mauvaises pensées dont l'exécution peut être funeste. Dans ce cas, ce n'est pas le mal qu'il détourne. C'est nous-mêmes qu'il détourne de la pensée qui peut causer le mal. Il n'entrave en rien les décrets de Dieu. Il ne suspend point le cours des lois de la nature, c'est nous qui l'empêchons d'enfreindre ces lois en dirigeant notre libre arbitre. Mais ils le font à notre insu, d'une manière occulte, pour ne pas enchaîner notre volonté. L'homme se trouve alors dans sa position de celui qui sollicite de bons conseils et les met en pratique, mais qui est toujours libre de les suivre ou non. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour qu'il ait la responsabilité de ses actes et lui laisser le mérite du choix entre le bien et le mal. C'est là ce que l'homme est toujours certain d'obtenir s'il le demande avec ferveur et ce à quoi peuvent surtout s'appliquer ces paroles « Demandez, vous obtiendrez ». La prière dénote toujours bonne volonté et compréhension par le témoignage de notre condition d'esprit débiteur. Elle ne pourra sans doute pas modifier le cours des lois devant laquelle nous sommes coupables à de multiples peines, mais elle rénove notre façon d'être qui représente une plantation bénie de solidarité dans notre intérêt, ainsi qu'un vaccin contre la récidive dans le mal. De plus, la prière favorise notre rapprochement avec les grands bienfaiteurs qui veillent sur nos pas et qui nous assistent dans l'organisation d'un nouveau chemin pour une marche plus sûre. Dans tous les cas, la prière ne doit pas être un mouvement mécanique des lèvres, ni un disque à répéter dans l'appareil de l'esprit. Elle est vibration, énergie et pouvoir. La créature qui prie en mobilisant ses propres forces réalise des travaux très significatifs. Un tel état psychique dévoile des forces ignorées, révèle notre origine divine et nous met en contact avec les sources supérieures. Dans cette réalisation, l'esprit, sous toute forme, peut émettre des rayons d'un pouvoir étonnant. La prière est la voix divine de l'esprit dans le grand silence. Elle ne se caractérise pas toujours par des sons articulés verbalement, mais elle a toujours un prodigieux pouvoir spirituel qui communique émotions et pensées, images et idées, éliminant les obstacles, nettoyant les chemins, réformant les conceptions et améliorant le tableau mental pour réaliser le travail auquel le Père nous convoque. L'importance de la prière est facilement mise en évidence lorsque nous apprenons à faire la distinction entre réciter et prier. Réciter, c'est répéter des mots selon des formules déterminées. C'est produire de l'écho que la brise dissipe, comme la voix du clocher qui se répand dans l'espace et meurt. Prier, c'est sentir. Le sentiment est intraduisible. Il n'y a pas de mot qui se définit avec une précision absolue. Le meilleur vocabulaire du monde est pauvre pour traduire la grandeur d'un sentiment. Il n'y a pas de formule qui le contient, il n'y a pas de moule qui le renferme, il n'y a pas de modèle qui le façonne. Prier, c'est raisonner vers Dieu, affermissant ainsi notre communion avec lui. La prière est le pouvoir des fidèles. Les croyants prient. Les imposteurs et les superstitieux récitent. Les croyants prient Dieu. Les hypocrites, quand ils récitent, s'adressent à la société où ils vivent. Il est difficile de comprendre le croyant dans ses colloques avec la divinité. Les pharisiens récitaient en public pour être vus, admirés, loués. Maintenant, l'efficacité et l'action de la prière. Il y a des gens qui contestent l'efficacité de la prière et ils se fondent sur ce principe que Dieu connaissant nos besoins, il est superflu de les lui exposer. Ils ajoutent encore que, tout s'enchaînant dans l'univers par des lois éternelles, nos vœux ne peuvent changer les décrets de Dieu. Sans aucun doute, il y a des lois naturelles et immuables que Dieu ne peut abroger selon le caprice de chacun. Mais de là à croire que toutes les circonstances de la vie sont soumises à la fatalité, la distance est grande. S'il en était ainsi, l'homme ne serait qu'un instrument passif, sans libre arbitre et sans initiative. Dans cette hypothèse, il n'aurait qu'à courber la tête sous le coup de tous les événements, sans chercher à les éviter. Il n'aurait pas dû chercher à détourner la foudre. Dieu ne lui a pas donné le jugement et l'intelligence pour ne pas s'en servir, la volonté pour ne pas le vouloir, l'activité pour rester dans l'inaction. L'homme étant libre d'agir dans un sens ou dans un autre, ses actes ont pour lui-même et pour autrui des conséquences subordonnées à ce qu'il fait ou ne fait pas. Par son initiative, il y a donc des événements qui échappent forcément à la fatalité et qui ne détruisent pas plus l'harmonie des lois universelles que l'avance ou le retard de l'aiguille d'une pendule ne détruit la loi du mouvement sur lequel est établi le mécanisme. Dieu peut donc accéder à certaines demandes sans déroger à l'immuabilité des lois qui régissent l'ensemble, son accession restant toujours subordonnée à sa volonté. On perçoit l'efficacité et l'action de la prière aux effets et aux résultats obtenus. Les rayons divins dégagés par la prière sanctifiante se convertissent en facteurs avancés de coopération efficace et définitive dans la guérison du corps, dans la rénovation de l'âme et l'illumination de la conscience. Toute prière élevée est source de magnétisme créateur et vivifiant, et toute créature qui cultive la prière, dans l'équilibre du sentiment, se transforme peu à peu en un foyer irradiant des énergies de la divinité. Le travail de la prière est plus important qu'on ne peut l'imaginer dans le cercle des incarnés. Il n'y a pas de prière sans réponse. La prière, fille de l'amour, n'est pas qu'une supplique. C'est une communion entre le Créateur et la créature, continuant ainsi le plus puissant influx magnétique que nous connaissions. Cependant, la prière maléfique a également un énorme pouvoir d'influence. Chaque fois que l'esprit se met dans une attitude mentale, un lien de correspondance se crée entre lui et l'au-delà. Si la prière traduit une activité dans le bien divin, d'où qu'elle provienne, elle ira vers l'au-delà, verticalement, vers la bénédiction de la vie supérieure, alors que les mauvais répondent aux mauvais dans les plans inférieurs, s'unissant mentalement les uns aux autres. Toutefois, toute prière impersonnelle dirigée vers les forces suprêmes du bien, on reçoit une réponse immédiate au nom de Dieu. Ceux qui prient dans ces démarches bénies reçoivent des sphères plus élevées des éléments force qui vitalisent notre monde intérieur, édifiant nos espoirs divins qui s'extériorisent ensuite, influencés par notre magnétisme personnel, dans l'intense désir de servir avec le Seigneur.